La méthode de produire le son du piano, d'en tirer une voix qui porte, doit être une des grandes préoccupations des pianistes. Ils doivent constamment chercher à obtenir une sonorité élastique, onctueuse, grasse, s'il est permis d'employer cette expression imagée. De judicieuses observations faites avec mesure, appuyées sur des considérations élevées, basées sur des modèles et des exemples indiscutables, incitent à mieux faire ou préservent d'erreurs regrettables les maîtres les plus expérimentés. En fait, la perfection relative des arts tient au milieu dans lequel ils s'épanouissent, au degré d'avancement des sciences et des lettres, à la diffusion des connaissances spéciales, à l'organisation, au tempérament, à l'intelligence des individualités qui s'y consacrent et qui ajoutent chaque jour aux connaissances acquises, aux traditions ayant cours.